world at KFAI.org, the community's true voice. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Hello, bonsoir et bienvenue to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Christmas Eve and we pre-recorded a very special show for you tonight. So stay with us for 2 hours. You're going to listen to a lot of Christmas songs about Santa and angels and snow and other things. Allez, on y va. First, we're going to start with Dalida with Vive le Vent, a jingle bell. It's a new orchestration from 2023, and it's from her album, Vive le Vent. Then we're going to listen to Étienne Dao with Noël avec toi, from his album Tirer sur les étoiles. And then Thomas Dutronc with La fille du Père Noël, and it's from La Tournée Générale, where Thomas Dutronc is also singing with his dad, Jacques Dutronc. Vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et là, oh, le vent qui siffle dans les branches, il souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, tout de neige et jour de joyeux Noël, aux mille bougies, quand chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Tout de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël. Bonne année, grand-mère. avec toi. Noël avec toi. Prions ma bonne étoile. Au fond du cœur, une balle. Tout là-bas, tes fenêtres, ta maison, dans les bois. Noël avec toi. Joyeux Noël, tout étincelle au ciel. Vin doux sous le qui et loup brûlé encore d'un même feu et voir des larmes de joie dans tes yeux avec toi. C'était la fille du Père Noël, j'étais

Noël sous les étoiles ou dans l'écho des cathédrales. Noël des souvenances où dans nos yeux brille toute l'enfance. Noël des solitaires qui jettent aux cieux mille prières. Noël longtemps dans la nuit, le chant de la vie, de rêve et d'espoir aussi. Noël, tous les Noëls du monde. Noël près d'une étable, Noël au front, Noël à table, Noël sous les tropiques. Tous les Noëls restent magiques. Noël longtemps dans la nuit, le chant de la vie, de rêve et d'espoir aussi. Noël, ce soir, tous les Noëls du monde. Ce soir, tous les Noëls du monde. Noël, mon beau rêve blanc.

It was Renaud with Le Père Noël et la Petite Fille, then Franck Michael with Le Noël des Pauvres, and Maryse Le Tartre with Le Mendiant de Noël. Now we're going to listen to Rock Voisine from Quebec with Mon Beau Sapin, My Great Pine Tree, then Vox Angeli with Devine, Guess, and in parentheses, Où sont les anges? Where are the angels? And then Liane Folly with La Valse des Anges, The Angels' Waltz. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Joli sapin comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous par les mains de ma mère. Tes vers se mêlent et leur fidèle ombrage. Mon beau sapin, tes vers se mêlent et leur fidèle ombrage. De la voix qui ne ment jamais, de la constance et de la paix, mon beau sapin, tes vers se mêlent m'offre la douce image. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Avec toi, faire bouger ce monde.

It was Rock Voisine with Mon Beau Sapin, then Vox Angeli with Devine Où Sont Les Anges, and Yann Folie with La Valse des Anges. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Michel Thor with Mon Ange, or My Angel, then Tino Rossi with Pour Noël, For Christmas, and Frank Michael with Do Noël, Sweet Christmas, or Soft Christmas, but I think it's more like sweet. Mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange, ayez pitié de moi. Vous qui êtes mon gardien, accordez-moi pour mon bien un peu de pain quotidien, mon ange. Et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit le bonheur entre par voix, ô mon ange qui veille sur moi. Vous qui veillez sur ma vie, épargnez-moi quelques tourments. Accordez-moi quelques envies, empêchez-moi d'être méchante, pardonnez-moi quelques offenses, pardonnez-moi quelques péchés, car même si je recommence, je le ferai sans y penser. D'amour quotidien, mon ange. Et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit l'amour entre quelquefois, ô mon ange qui veille sur sapins prodigieux.

with Suite de Noël de Haute-Bretagne, Song from Christmas from High Brittany. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer. Thank you. It was Natacha Saint-Pierre with Minuit Chrétien, or Holy Night. Then Traditionnelle France with Les Anges dans nos campagnes. And Traditionnelle Bretagne with Suite de Noël de Haute-Bretagne. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to three more songs. The first one is from Francine Roche, who's a local teacher at the Alliance Française as well. We're going to listen to Sainte Nuit, or Silent Night. Then Ensemble Chorale du Bout du Monde, with Noël, or Christmas. And Les Canadiens Errants, with Venez Divine Messie, featuring Ralph Germain. Come, O Divine Messiah. Square of It was Francine Roche with Sainte Nuit, or Silent Night, then Ensemble Choral du Bout du Monde with Noël, Christmas, and Les Canadiens Errants, Venez Diva Messi, featuring Ralph Germain. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to another song from the Ensemble Choral du Bout du Monde, a choir. It's Petra Zohas Navez, What's New? Then Francine Roche with Au Pays de l'Espoir, In the Country of Hope. And Tino Rossi with Merci Noël, Thank You Christmas. Oh, comme un rêve d'air pur et de liberté. Mais dans mon cœur, tout au long des soirs, je reviens au pays de l'espoir. Champs de blé, gorgés de soleil, paysages au jardin, plein de fruits vermeils. Chanteur et de fruits vermeils. Doux village m'attend l'amour dans mon cœur où chanteur est toujours. Au fil des jours s'est enfui l'été comme un rêve d'air pur et de liberté. Mais dans mon cœur, tout au long des soirs, je reviens au pays de l'espoir. Je reviens au pays de tu fais des arpèges pour ce beau sapin illuminé. Merci Noël pour tous ces rires, ces cadeaux qu'on admire, tous ces jouets devant la cheminée. Merci Noël pour l'immense joie d'être réunis cette nuit, pour tous ces yeux d'enfants éblouis, je te dis merci. Pour cette ronde d'amour autour du monde, cette joie qui nous tombe du ciel, merci Noël. Pour tous ces rires, ces cadeaux qu'on admire, tous ces jouets devant la cheminée, merci Noël. Pour l'humble chapelle, comme une étoile au loin qui luit, pour ces cloches qui chantent la vie, pour la belle nuit. Qui descend sur la terre, pour ton nom à jamais éternel, merci Noël. Pour ton nom à jamais éternel, merci. merci Noël. It was Ensemble Chorale du Bout du Monde with Petra Zoa Navez, What's New? Francine Roche with Au Pays de l'Espoir and Tino Rossi with Merci Noël. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to another song from Dalida. It's called Les Marrons Chauds, Hot Chestnuts. Then Henri Dess with Le Petit Renne au Nez Rouge, The Little Reindeer with a Red Nose, and he's referring to Rudolph. And Pierre Laurendeau with Le Père Noël, c'est un Québécois. Santa is from Quebec. J'ai froid dans le dos et j'ai la goutte au nez. Quand l'hiver est là et que tombe la neige, pour me réchauffer, il me faut plus qu'un baiser. Ah, alors tu m'achètes quelques marrons grillés. Chaud, chaud, les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chaud, les marrons chauds. Par-dessus et le tout dans ma poche, pensant vaguement, riant comme des gamins, lécher les vitrines de tous les magasins. Chaud, chaud, les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chauds, les marrons chauds. La, la, la, la. La nuit tombée, les gens rentrent chez eux. Rester au chaud, les pieds dans le pantoufle. Je me moque bien des soirées au coin du feu. Être près de toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Chaud, chaud, les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chauds, les marrons chauds. La, la, la, la. Mon petit corps qui devient un glaçon quand l'hiver est là et que tombe la neige. Mais lorsque l'on s'aime comme nous nous aimons, l'hiver est quand même une belle saison. Chaud, chaud, les marrons chauds, j'aime les marrons chauds. Achetez-moi des marrons chauds, chauds, les marrons. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel, avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. un ange né rouge. Tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure aussi leste suivre très digne les routes célestes, devant ses ébats, plus d'un reine resta Baba. On l'appelait Né Rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme un lumignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vos fillettes et garçons pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël. Québécois, avec ses bottes de laine, son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois, son sac de bebelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard, une poupée pour Mireille, des patins pour le petit Corbeil, en way. Ouais, bon, ben, je pense que j'ai entendu tout ce qu'il m'avait demandé. Ah oui, ah oui, ah oui, faut pas que j'oublie le petit dernier. Tiens, mon petit voilé, là ton bord rempli de candé. OK? Le papa, le pipi, le popo, le pipi, le pépère Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bebelle, rempli de joie. Une couchette pour Annette. Des skis pour Henri, un chapeau pour Mario, des mitaines pour Adrien, allez voir. Ouais, mais bon, ben, là c'est là que ma lune est complètement terminée. J'espère que tout le monde est content, là, hein? Gagne de pierre chalin. Là, de là, il est bien garni. Fais mille feu, moi ça me dérange pas, passer par la porte en arrière. Le papa, le pipi, le papa, le pipi, le pépé de Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bebelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard. Une poupée pour Mireille, des patins pour petit Corbeil. Ah ouais! Père Noël, Père Noël, emportez bebelle. J'en ai eu, pis j'en veux plus, pis soignez tout dans l'U. J'en ai eu, puis j'en veux plus. Ouais, ben joyeux Noël tout le monde. We just listened to Dalida with Les Marrons Chauds. Then Henri Dess with The Petit Reine au Nez Rouge. And Pierre Laurando with Le Père Noël, c'est un Québécois. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Camille Lou, who is also an actress, with Les Rois Mages, The Three Kings, and it's a cover from Sheila. Then Romain Huguetto, it's a Petit Papa Noël version rock. So Petit Papa Noël is the famous song of Christmas, but this is the rock version. And Lina Boudreau with Noël Jazz. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suis. bleu plaise au ciel, que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile des bergers. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. L'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Plaise au ciel que s'ouvrent les nuages, éclaircit, dévoile le chemin. Plaise au ciel qu'au terme du voyage, ton triomphe soit le mien. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile des bergers. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles, on suivit le soleil avec obstination. L'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles, on suivit le soleil avec obstination. Que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve.

descend vers le village. C'est la route où tout est sage et où l'on danse au coin du feu. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et on entend la même chanson. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rappelle aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies. Chante dans le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Sapin vert. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Bonne année, grand-mère. It was Annie Cordy with Noël chez moi, then Joyce Seton and the International School of Geneva with Papa Noël, and then Benjamin Biolay with Vive le vent. Now we're going to listen to Claude François with C'est Noël et j'aurai tout ça, It's Christmas and I'll have all of this, then Richard Gottener with Ce soir c'est Noël, Tonight is Christmas, and the band Les Zut with Vive le 26 décembre. Hooray for December 26th. Mes nuits sur le monde enneigé, la messe au clocher a sonné. Mes nuits sous l'arbre décoré, chacun a posé ses souliers. Moi j'aurai et qui dort dans la chambre à côté. Mon fils doit se dire tout bas, comme je l'ai fait autrefois. Demain matin, au pied du grand sapin, en tremblant j'ouvrirai les merveilleux paquets. Et si je n'ai simplement qu'un seul jouet, je serai triste à cause. Quand même si heureux, oui, minuit sur le monde enneigé.